Dans le grand kaléidoscope de l'actualité. Un homme, un vieillard engoncé dans un complet qui semble le boudiner. On doit le soutenir jusqu'à la voiture qui va l'emporter. Le visage est massif, inexpressif. Gâtisme ou comédie? On a maintenant la réponse quand on a vu récemment le film de son arrivée sur un aéroport. Une autre image, 28 ans plus tôt. Le même homme, assis, les bras croisés. Les mâchoires sont exagérément saillantes, la moue dédaigneuse, les yeux dissimulés derrière des lunettes au vert fumé. Il y a quelque chose de germanique dans le strict uniforme qui habille le nouveau maître du Chili. Et cette autre image, encore celle d'un homme en veston et pull-over à la porte d'un édifice. Il est coiffé d'un casque et porte une mitraillette en bandoulière. Sous les grosses lunettes, le regard scrute le ciel et les avions qui bombardent son palais. Le président Salvador Allende vit ses dernières minutes. J'ai revu toutes ces images lorsque M. X m'a proposé de me parler cette semaine des événements qui ont provoqué la chute du président démocratiquement élu et amené au pouvoir Pinochet et une junte militaire responsable de toutes les exactions que l'on sait. Les services secrets, et tout particulièrement la CIA, ont joué un rôle essentiel dans la préparation et l'exécution de ce putsch. Mon interlocuteur va y revenir longuement. Auparavant, je voudrais vous lire ces lignes écrites par le grand écrivain sud-américain Gabriel Garcia Marquez. Il raconte la fin du président Allende, assiégé dans son palais de la Moneda. Salvador Allende résista 6 heures, armé d'une mitraillette dont lui avait fait cadeau Fidel, la première arme à feu dont il se fut jamais servi. Le journaliste Augusto Olivares resta jusqu'au bout à ses côtés malgré plusieurs blessures et mourut dans un hôpital de l'assistance publique. Vers 4 heures de l'après-midi, le général de division Javier Palacios parvint à atteindre le second étage de la Moneda avec son aide de camp, le capitaine Gallardo, et un groupe d'officiers. Là, parmi les fausses commodes Louis XV, les vases à dragons chinois et les tableaux de Jurendas, du Salon Rouge, Salvador Allende les attendait. Il portait sur la tête un casque qui était en manche de chemise, sans cravate. Le sang tachait ses vêtements, il tenait sa mitraillette à la main. Allende connaissait bien le général Palacios. Quelques jours auparavant, il avait confié à Augusto Olivares qu'il le considérait comme un homme dangereux, maintenant des contacts étroits avec l'ambassade des États-Unis. Aussitôt qu'il le vit apparaître dans l'escalier, Allende lui cria « Traître !» et le blessa à la main. Allende périt au cours de l'échange de coups de feu avec cette patrouille, puis chaque officier, selon un rite de l'armée, tira à bout portant sur le corps. Enfin, un sous-officier lui défonça le visage avec la crosse de son fusil. Ainsi en a témoigné Juan Enrique Lira, reporter au journal El Mercurio, seul autorisé à voir le cadavre. Lorsqu'on le montra ensuite allongé dans son cercueil à Hortensia Allende, son épouse, on ne lui permit pas de découvrir son visage. Le président Allende avait eu 64 ans en juillet dernier et c'était un lion accompli, tenace, résolu et imprévisible. Il aimait la vie, il aimait les fleurs et les chiens et était d'une galanterie d'une autre époque avec billets parfumés et rencontres furtives. Il resta conséquent avec lui-même, et telle fut sa plus grande vertu. Mais il me faut ajouter que selon d'autres versions, Salvador Allende s'est donné lui-même la mort avant que les putschistes envahissent son palais. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Voyez-vous, je ne pense pas qu'on jugera un jour Pinochet. Mais pourquoi? À cause de son âge ou de son état physique? Non, à cause de l'implication des États-Unis dans le coup d'État de 1973. Les Américains n'ont nulle envie de voir déballer leurs sales petites affaires sur la place publique. Japon, et à mon avis, ils ont dû faire d'énormes pressions sur le gouvernement britannique pour que l'extradition du dictateur soit refusée ou retardée le plus longtemps possible. Ouais, enfin, retardée, on a vu ce qu'il en était. Hein. Mmh. Mais au fond, si je vous suis bien, ce qui arrangerait par-dessus tout les Américains, c'est que Pinochet meure plus tôt. Exactement. Alors vous, pourquoi avez-vous des lumières particulières sur cette affaire ? Eh bien parce que les services français, à leur corps défendant, ont dû s'intéresser aux affaires chiliennes. Et pour quelle raison ? Si vous le permettez, nous verrons ça un petit peu plus tard. Mais bien sûr, je dois m'incliner. Comme d'habitude. Bon. Alors d'accord, alors allons-y. Alors, par où voulez-vous commencer ? Je vous ai souvent dit, l'Amérique latine, c'est le précaré des États-Unis. Oui, la fameuse doctrine Monroe. Oui, depuis le début du 19e siècle, les Américains ont décidé qu'ils devaient être les seuls à s'occuper des affaires du continent. Oui, intervenir quand bon l'ensemble. Évidemment. Ouais. Ils s'en sont pas privés d'ailleurs. Il faut dire aussi que les intérêts économiques des États-Unis dans cette partie du monde sont énormes. Donc pas question d'y toucher. Ça explique en particulier leur hargne contre Fidel Castro. Mais nous en avons souvent parlé. Ouais, très souvent, oui. Alors, le Chili. Eh bien, en Chili, comme dans d'autres pays d'Amérique du Sud, les compagnies nord-américaines sont toutes puissantes. La principale richesse du pays, c'est alors le cuivre. Or, en 1950, ou plutôt entre 1950 et 1970, 80% des exportations de ce métal sont contrôlées par des sociétés basées aux États-Unis. Une autre compagnie est aussi solidement implantée au Chili, ITT. Mais ça, c'est une compagnie de téléphone. Oui, entre autres. Et ITT maîtrise le réseau téléphonique chilien et exerce un monopole de fait. Son influence est donc considérable. On peut même dire que cette compagnie est la véritable représentante des intérêts nord-américains dans le pays. Et à ce titre, ITT va jouer un rôle important dans les événements dont nous allons parler. Mmh. Oui, mais pratiquement, de quelle façon les États-Unis interviennent au Chili ? Avant l'élection de Salvador Allende en 1970, les Américains se contentent essentiellement de financer les partis politiques qui semblent favorables à leur intérêt. Ouais, c'est-à-dire les partis de droite. Bien sûr. Et surtout la démocratie chrétienne incarnée par Eduardo Frei. À l'approche de chaque élection, des millions de dollars sont secrètement envoyés au Chili. Mmh, et des dollars qui servent à quoi ? Bon, d'abord à alimenter classiquement les campagnes électorales en payant des tracts, des affiches, des spots à la radio. Mais ces subsides sont aussi versés à des journaux amis. Ils sont également utilisés pour créer des associations de citoyens favorables à la démocratie chrétienne et surtout violemment anticommunistes. On trouve ainsi des organisations de femmes, de paysans ou même d'habitants des bidonvilles. Bon, en France, après la guerre, les Américains ont financé des syndicats. C'est juste, oui. Mmh. Ça a été aussi le cas en Italie, mais au Chili, ils sont encore allés plus loin. Plus loin, c'est-à-dire ? Ils se sont livrés à ce qu'on appelle de la propagande noire. Ouais, expliquez-vous, là. Bon, la propagande noire, c'est ce qu'on appelait alors de l'autre côté du rideau de fer, la désinformation. Ouais, c'est une spécialité soviétique, mais vous souvent dit, hein, une spécialité du KGB et des services secrets en général. Incontestablement, oui. Mmh. On peut donc penser que la CIA se trouvait derrière cette propagande noire ? Naturellement, la CIA qui était aussi chargée par le gouvernement des États-Unis de distribuer tous ces dollars. Mmh. Et en quoi a consisté cette propagande noire ? Essentiellement dans la diffusion de faux documents attribués au Parti communiste chilien. Mmh. Dans quel but ? Effrayer les électeurs, bien entendu. Mais après tout, ce n'est pas très étonnant. Rappelez-vous ce qu'on disait en 1980 avant l'élection de François Mitterrand. Certains prédisaient que les chars soviétiques arriveraient sur la place de la Concorde dès la victoire du candidat socialiste. Ouais, je me souviens, ouais, c'est assez marrant. Enfin, après coup. Hein. Mais pour revenir au Chili, est-ce qu'il y avait un réel danger communiste ? Le pays avait déjà connu un gouvernement de Front populaire dans les années 30. Et pour les Américains, c'était un véritable épouvantail. D'autre part, c'est vrai, les forces de gauche étaient réellement puissantes. Mais grâce à l'argent américain et à la CIA, le démocrate chrétien Frei a été élu en 1964 contre déjà le socialiste Salvador Allende. Donc on en arrive maintenant à l'élection présidentielle de 70. Oui, oui, mais enfin Frei, selon la constitution chilienne, ne peut pas se succéder à lui-même. Donc la droite doit se trouver un nouveau candidat. Et c'est là que les problèmes commencent. Mais pourquoi ? Parce que deux hommes se présentent contre Allende, un conservateur et un démocrate chrétien. Il y en a un trop. Et c'est évident. Et les États-Unis sont bien embarrassés. Aussi, à défaut de choisir entre l'un et l'autre, ils vont plutôt s'attaquer à Allende. Et c'est à mon avis, de leur point de vue en tout cas, une grossière erreur. Parce qu'ils auraient dû plutôt soutenir un seul des candidats de droite, c'est bien ça sûr. Ouais. Mais en 70, là, est-ce qu'ils mettent autant d'argent sur la table, ou plutôt sous la table, qu'en 1964 ? Oui. La CIA dispose encore une fois de millions de dollars. Et les journaux, principalement le groupe El Mercurio, sont abondamment arrosés avec pour mission de taper tant et plus sur Allende. Allende qui représente un danger mortel pour les intérêts américains, puisque dans son programme, il prévoit de nationaliser de larges secteurs de l'économie. Alors j'imagine que ces compagnies menacées de nationalisation doivent aussi participer à cet effort financier. Évidemment, et au premier rang, on trouve ITT qui joue un rôle de coordination. Et c'est d'autant plus facile que cette multinationale compte parmi ses directeurs un ancien patron de la CIA, John McCone. Et pourtant, c'est Salvador Allende qui gagne. Oui. Oui, grâce à l'éparpillement des suffrages de la droite, il arrive légèrement en tête. Et selon la Constitution, cette majorité relative doit quand même lui permettre d'être désigné président de la République par le Congrès. Mais par les députés, les sénateurs. Oui, ouais. Enfin, les Américains n'ont pas dit leur dernier mot. Et entre l'élection présidentielle, au début septembre, et l'investiture qui doit intervenir fin octobre, la CIA va tout tenter pour éliminer Allende. Tout? Oui, tout. Quand le président Nixon a appris le succès électoral de Salvador Allende, il a convoqué le patron de la CIA. Et dans le langage volontiers fleuri qui était le sien, il lui a dit « Il faut absolument se débarrasser au plus vite de ce fils de pute. » « Fils de pute », a dit M. X. « Il n'a rien inventé. » Dans le journal Le Monde du 6 septembre 1998, Pierre Calfon, par ailleurs auteur d'un livre sur Allende, paru la même année aux éditions Atlantica, écrit ceci à propos de la victoire électorale de Salvador Allende. 11 ans. Après l'entrée triomphale des Barbudos de Fidel Castro à la Havane, elle démontrait que la voie armée à la cubaine n'était pas la seule méthode pour accéder au pouvoir. Che Guevara, archétype du guerriero, l'avait admis, dédicaçant un jour son livre fétiche, La guerre de guérilla, à Salvador Allende, qui essaie d'obtenir la même chose par d'autres moyens. Cette fois, le bulletin de vote, autre moyen, semblait l'avoir emporté sur le fusil. Marx n'avait pas prévu ce cas inédit. Par son pacifisme même, ce modèle paraissait plus dangereux aux yeux des États-Unis. Dans leur chasse gardée de l'Amérique latine, un président marxiste, vainqueur à la loyale d'élections honnêtes, était un exemple déplorable pouvant faire des émules, à éviter à tout prix. À Washington, le président Nixon avait convoqué Edward Corey, son ambassadeur à Santiago, pour lui expliquer, frappant du poing, qu'il fallait écraser à tout prix et au plus vite « the son of a bitch », ce fils de pute. À Chicago, Henry Kissinger, conseiller écouté, déclarait alarmiste qu'Allende allait provoquer l'installation d'un régime communiste au Chili et que l'Argentine, le Pérou et la Bolivie pourraient suivre cet exemple. Mais quand vous dites que les Américains étaient prêts à tout tenter pour se débarrasser d'Allende... Oui, c'est la vérité, dès l'élection d'Allende. Et donc, avant son investiture par le Congrès. Oui, le gouvernement américain, sur ordre de Nixon et de son conseiller pour la sécurité, Henry Kissinger, débloque 10 millions de dollars. Pour la CIA? Oui. Ouais. Kissinger est donc très impliqué. Exact, il le sera tout au long de l'affaire chilienne. Cher Henry, comme on l'appelait quand il était la coqueluche des dîners en ville, porte une responsabilité écrasante dans la chute du président Allende et l'arrivée au pouvoir de Pinochet avec son cortège d'horreur. Enfin, on en reparlera. Ouais, d'accord. Alors, avec ces 10 millions de dollars, que prépare la CIA? Les services secrets américains élaborent deux stratégies, la voie 1 et la voie 2. Des noms de code, bien évidemment. Noms de code. Alors, voyons d'abord la voix. Hein. Mais il s'agit de faire pression sur le Parlement chilien pour qu'une majorité refuse d'investir Allende. Malgré la Constitution, si je vous ai bien suivi. Tout à fait. Alors, on essaie d'acheter députés, journalistes. Mais le Chili est un pays de vieille démocratie et les efforts de la CIA restent vains. Alors, on passe à la voie 2. Oui. Là, il s'agit d'autre chose. Les Américains déjà envisagent un coup d'État militaire. Dès 1970, donc. Et les hommes de la CIA prennent contact avec un certain nombre de généraux et d'officiers supérieurs. Quel est alors l'état d'esprit de l'armée chilienne? Bah écoutez, je serais tenté de vous dire que par nature, les généraux ne sont guère progressistes. Bah oui, outre, beaucoup ont été formés aux États-Unis où on fait des stages là-bas. Il faut aussi compter avec la présence au Chili d'une importante colonie allemande. Oui, des anciens nazis. Oui, des gens qui n'auront plus tard aucun état d'âme lorsqu'il sera question de donner un coup de main aux putschistes ou de devenir les gardes chiourne de quelques prisonniers politiques. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera sans doute pas, que pas mal d'officiers chiliens sont des admirateurs zélés de l'armée du Troisième Reich. Ça veut dire en tout cas que les militaires chiliens sont donc influençables. Oui, et dès qu'on agite le chiffon rouge, ils foncent. Le chiffon rouge du communisme, vous voulez dire. Bien sûr, mais il y a un obstacle de taille. Lequel, hein? Le commandant en chef de l'armée chilienne, le général René Schneider, lui, est légaliste. Et il n'est pas question pour lui de s'opposer, quelle qu'en soit la manière, au processus constitutionnel en cours. Alors, lui aussi, il va falloir le neutraliser. Ah ben là, vous ne croyez pas si bien dire. Inspiré par les hommes de la CIA et à l'initiative d'un autre général, un commando tente de s'emparer de Schneider. Mais l'affaire tourne mal, le général se défend, le commando riposte, Schneider est abattu. Ouais, c'est une bavure, ça. Une bavure, oui. Mmh. Le résultat, c'est que la CIA, après cette malheureuse affaire, met les pouces. Il renonce à fomenter le oui, putsch. Oui. Mmh. Mais quand même, est-ce qu'on a une preuve de l'implication de la CIA dans le meurtre du général Schneider? Bah, des preuves dans ce genre d'affaires, ce n'est pas évident. Mais il semble bien que les hommes du commando, tous des officiers chiliens d'ailleurs, aient été armés par des agents de la CIA. L'armée, mais ces hommes étaient des militaires, ils disposaient d'armes, non? Vous avez raison, mais les mitraillettes qu'on leur a fournies n'étaient pas immatriculées au Chili. et leur découverte éventuelle ne permettait donc pas d'incriminer les militaires chiliens. Mmh. Mais après cette grosse bavure, hein, j'imagine que la voie 2 est abandonnée parce que la réaction doit être vive dans l'opinion. Oui, c'est juste. Et cette réaction conforte donc le camp de Salvador Allende. Mais la CIA ne relance pas pour autant. La voie 2 est simplement mise en sommeil. Et Allende est investi par le Congrès. C'est exact. Une parenthèse, un ancien patron de la CIA, William Colby, a publié un livre de mémoire en 1978, 30 ans, à la CIA. Il reconnaît, je le cite, qu'il est indiscutable que, dans le cadre de l'opération Deuxième Voie, sur les ordres directs et formels du président Nixon, la CIA a cherché à fomenter un coup d'État militaire au Chili en 1970. Et à propos du général Schneider, il écrit « C'était l'homme à abattre ». En désespoir de cause, on organisa donc contre lui une tentative d'enlèvement qui tourna mal. Il fut blessé en tentant de résister à ses agresseurs et succomba peu après à ses blessures. L'échec de cette tentative supprima momentanément toute velléité de résistance dans l'armée. Allende accéda finalement à la présidence et la CIA mit fin à l'opération Deuxième Voie. Ce qui est faux, selon M. X, mais sans doute Colby, patron de la CIA en 1973, au moment du coup d'État réussi de Pinochet, a-t-il voulu nier sa propre responsabilité ? À partir du moment où Allende est au pouvoir, les États-Unis ne vont avoir de cesse de mettre des bâtons dans les roues du nouveau gouvernement et de le miner peu à peu. Il faut quand même reconnaître que Salvador Allende fait tout pour s'attirer l'hostilité des États-Unis. Vous voulez parler des nationalisations ? Et aussi du rapprochement avec Cuba, la bête noire des Américains. C'est vrai. Il ne faut pas cacher que le gouvernement chilien a certainement commis des erreurs et a pâti de ses conflits internes, en particulier avec l'aile dure des révolutionnaires chiliens. Mais il ne faut surtout pas oublier aussi que Allende et les siens avaient été légalement élus et que les élections communales ou législatives qui suivront conforteront plutôt l'adhésion populaire au nouveau pouvoir. Par conséquent, selon vous, les États-Unis n'avaient pas le droit de s'immiscer dans les affaires chiliennes ? Tant que les libertés fondamentales n'étaient pas menacées, non. Or, à ma connaissance, Allende n'a pas institué un régime totalitaire au Chili, contrairement à ce que les Américains prétendaient. Ouais, admettons, mais je me faisais l'avocat du diable. Par quels moyens les États-Unis vont-ils donc lutter maintenant contre Allende ? L'arme essentielle, qui va être utilisée en priorité, c'est d'abord l'arme économique. L'asphyxie économique. C'est cela, oui, une sorte de blocus économique qui ne veut pas dire son nom. Et racontez comment ? Oh, la panoplie est large, et c'est la présidence américaine, avec l'aide de la CIA, qui va directement coordonner ses manœuvres. D'abord, et c'est évident, on va désormais refuser toute demande de crédit de financement en provenance de Santiago. Ouais, ça me paraît normal. Normal si on peut dire, enfin, passons. Les États-Unis font aussi pression sur les organismes internationaux afin de les inciter à refuser toute aide au Chili. Ils se débrouillent également pour que le pays ne reçoive plus de livraison de pièces détachées. Dans quel secteur ? Les automobiles, les camions, un secteur stratégique. Et nous verrons que ce point aura une importance essentielle. Autre manœuvre américaine, des manipulations boursières tendant à faire baisser le prix du cuivre. Le cuivre, qui est la principale richesse du Chili, vous le rappelle. C'est donc un véritable sabotage économique. Comme par évident. Et l'objectif poursuivi est double. D'abord, il faut faire en sorte d'accuser le nouveau pouvoir d'incurie. Oui, d'être incapable de gérer le pays. Naturellement. Et face à ce blocus économique, il est vrai que la situation intérieure du Chili ne pourra aller qu'en s'aggravant. En 1973, l'inflation annuelle atteindra le taux record, je crois, de 700%. Et le deuxième objectif ? C'est de faire en sorte de pousser les militaires à agir pour mettre fin à ce chaos économique. Les militaires qu'on va par ailleurs préparer peu à peu à agir. C'est-à-dire à se lancer dans l'aventure du putsch ? Bien sûr. Et ici, il faut noter quelque chose de très intéressant. Tandis que les États-Unis s'efforcent d'asphyxier économiquement le Chili, très curieusement, l'aide militaire ne cesse d'augmenter. L'aide militaire américaine ? Oui, les livraisons d'armes et d'équipements. Elles doublent sous Allende. Étrange, non ? Mais on constate aussi dans le même temps que des milliers d'officiers partent sur des bases militaires américaines par faire leur formation. Et une formation seulement militaire ? Évidemment non. Ce qu'on apprend à ces officiers, c'est d'abord la lutte contre la subversion marxiste. Bref, on forme de futurs putschistes. Saint-Air, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Henry Kissinger, dont nous avons déjà beaucoup parlé, a toujours nié la responsabilité américaine dans le putsch qui a renversé Salvador Allende. Pour lui, le président chilien a été victime, je le cite, de son incompétence et de son intransigeance. Toutefois, dans un livre publié en 1979 chez Fayard à la Maison Blanche, Kissinger montre le bout de l'oreille. En voici un extrait. Quelles qu'eussent été les circonstances, l'élection d'Allende mettait en cause nos intérêts nationaux. Il n'était pas facile de nous faire l'idée d'un second État communiste dans l'hémisphère occidental. Nous savions à l'avance qu'il ne tarderait pas à adopter une politique anti-américaine, à briser la solidarité de l'hémisphère, à faire cause commune avec Cuba et tout au tard à établir des relations étroites avec l'Union soviétique. Et c'était d'autant plus pénible qu'Allende marquait une rupture avec une longue histoire démocratique du Chili et que son élection à la présidence n'était pas le fait d'une authentique expression de la majorité, mais d'une fantaisie du système électoral chilien. 36% de votes exprimés, c'était peu pour justifier la transformation irréversible des institutions politiques et économiques qu'Allende allait imposer au Chili. Deux gouvernements américains antérieurs étaient arrivés à la même conclusion. Deux gouvernements américains précédents avaient jugé qu'un gouvernement Allende au Chili desservirait les intérêts nationaux américains essentiels. Et en 1970, notre conclusion fut pratiquement la même. Ça me paraît donc très clair. Et malgré les dénégations de Kissinger, l'implication américaine dans le putsch de 1973 semble aller de soi. Il existe donc de 70 à 73 une préparation progressive des forces militaires chiliennes à l'exécution d'un putsch. Et d'ailleurs, plusieurs tentatives auront lieu avant septembre 73. En mars 72, les autorités chiliennes déjouent un complot de l'extrême droite où étaient déjà impliquées des unités de l'armée. À noter que le mouvement d'extrême droite impliqué Patrie et Liberté était une pure création de la CIA. Autre tentative ? En juin 73, un régiment de blindés se lance contre le palais présidentiel de la Moneda. Mais l'affaire échoue. Ce n'est en somme qu'un galop d'essai. Ouais, la répétition de ce qui se passera exactement 3 mois plus tard. C'est cela, oui, en août 73 cette fois. C'est la marine, une unité particulièrement perméable aux idées putschistes qui s'agitent. Mais de simples marins et des sous-officiers font savoir à leurs supérieurs qu'ils refuseront de soutenir un mouvement de rébellion. Un peu comme en France pendant le putsch de 61. Oui, les résultats sont qu'on arrête. Et quelques-uns sont torturés. Une sorte de première, en somme. Parce que la pratique de la torture va se généraliser avec l'arrivée au pouvoir de Pinochet. Donc sous Allende, l'armée est en pleine ébullition. Oui. Ouais. Mais le gouvernement chilien doit bien s'en rendre compte. Oui, naturellement. Mais que faire ? Allende et ses amis pensent qu'il existe quand même parmi les généraux des officiers loyaux de vrais républicains. Qui ? Bon, il y a par exemple le successeur du général Schneider à la tête de l'armée de terre, Carlo Prats, un homme loyal. Mais la droite n'arrête pas de le harceler. Alors en août 73, à bout de force, Prats démissionne. Août 73, c'est aussi l'époque où la marine s'agite. Hein, exact, c'est ça, mais ouais. Vous le savez, les événements vont s'accélérer. En tout cas, Allende doit remplacer Prats. Et il fait appel à un général en qui il a une entière confiance, un certain Augusto Pinochet. Il est mal informé ou on l'a trompé? Je sais pas, mais enfin, Pinochet, jusque-là, ne s'est pas distingué par ses prises de position politique. En fait, il ne s'est pas distingué du tout, même. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un général qui a fait un parcours classique de bureau en bureau, gagnant un grade à chaque fois qu'il en changeait. Rien d'extraordinaire. Et politiquement neutre? Apparemment, oui. Ouais. Pinochet cache sa fantastique soif de pouvoir derrière ses lunettes fumées et il avance masqué. Et voyez-vous, Allende a tellement confiance en lui qu'il lui fait part de la dernière botte secrète qu'il compte utiliser pour reprendre les choses en main. C'est-à-dire ? L'organisation d'un référendum prévu pour le 11 septembre. Et c'est justement ce 11 septembre que Pinochet renversera Allende. Oui, hein. Curieux, non ? Ouais. Enfin, revenons un petit peu en arrière et aux manœuvres d'étranglement menées par la CIA. Vous avez déjà parlé de sabotage économique. Hein. Oui, je vous ai aussi dit que la voie 2, comme l'appelait la CIA, n'avait jamais été abandonnée. Ouais. La voie 2, c'est-à-dire l'organisation d'un coup d'État militaire. Mais à Washington, on se disait aussi qu'on pourrait faire l'économie d'un putsch. On imaginait que le pouvoir d'Allende s'écoulerait de lui-même à cause de la situation économique intenable. Oui, c'est à peu près ça. Et pendant que la CIA fomentait des troubles, suscitait des grèves dans le pays... Ah oui, les camionneurs. Les camionneurs, vrai, oui. Ouais. Ils vont faire une première grève très dure en octobre 72, je crois. Mais je vous disais en même temps, le gouvernement américain donnait l'impression de vouloir dialoguer avec Allende. Et dans quel but, alors? Endormir les Chiliens, ça me paraît clair. En fait, Washington attendait les élections législatives de mars 73. Nixon et son fidèle Kissinger pensaient qu'à l'occasion de cette élection, les citoyens chiliens, exaspérés par les difficultés économiques, désavoueraient le pouvoir de gauche et forceraient Allende au départ. Or, contre toute attente, c'est le contraire qui se passe. Allende remporte les élections. En tout cas, l'unité populaire obtient presque 44% des voix. Ce n'est donc nullement un désaveu. Et légalement, Allende ne peut pas être démis puisque... Il faudrait que 2/3 des députés se prononcent pour sa déchéance. Alors à partir de ce moment-là, Washington ne peut plus hésiter. Et c'est le feu vert pour une action par la force. Oui, la CIA va utiliser tout l'arsenal de moyens à sa disposition. Et cet arsenal ? Eh bien, c'est comme en 1970, on va mettre le paquet, si vous me permettez cette expression. Les journaux d'opposition en particulier, enfin tous les organes de presse dépendant du groupe El Mercurio, sont arrosés. Et la désinformation va battre son plein. Oui, mais là, de quelle façon cette fois-ci? La centrale américaine invente un mystérieux plan Z. Plan Z? De quoi s'agit-il? D'un plan qui aurait été élaboré par les mouvements révolutionnaires chiliens et qui viserait à éliminer un certain nombre d'officiers et leurs familles. Bien sûr, il s'agit de persuader ces militaires qu'ils sont en danger et qu'ils doivent donc réagir. Puis si je me souviens bien, il y a une nouvelle grève des camionneurs. C'est juste, oui. Les patrons routiers vont littéralement paralyser le pays. Et c'est facile à comprendre. Le Chili, c'est une longue bande de terre adossée d'un côté au Pacifique et de l'autre à la cordillère des Andes. Le réseau ferroviaire est très peu développé, par conséquent, l'approvisionnement du pays dépend donc presque uniquement de la route. Ouais. Donc une grève des routiers, ça signifie que le pays tout entier est bloqué. Ouais. Ouais. Et c'est à ce moment-là que Salvador Allende, pour se sortir de cette situation, imagine le référendum dont il a parlé à Pinochet. Il est trop tard, le verre est dans le fruit. Ouais. Le verre, c'est Pinochet. Oui, Pinochet, naturellement. Et les services de renseignement chiliens qui ont été noyautés par les Américains, le putsch est programmé. Mais alors, pourquoi ce choix du 11 septembre 1973 ? Ça, c'est une question très intéressante, car ce choix n'est en effet absolument pas innocent. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, à la mi-septembre, pour fêter l'anniversaire de l'indépendance, les forces chiliennes procèdent à de très importantes manœuvres. Ça veut dire que toutes les unités sont mobilisées et soumises à d'incessants exercices. Ouais, donc elles sont prêtes à agir. Mais il y a autre chose. Alors, expliquez. À l'occasion de ces manœuvres, l'armée chilienne, enfin surtout la marine, coopère avec l'allié traditionnel nord-américain. Ça veut dire que des bâtiments de la marine des États-Unis vont se trouver tout naturellement dans les eaux territoriales chiliennes. Des bâtiments équipés de matériel électronique très sophistiqué. Oui, des systèmes d'écoute, vous voulez dire? Et de transmission. C'est très utile quand on prépare un putsch de pouvoir écouter l'adversaire et informer le plus vite possible les unités rebelles. J'ajoute qu'un mystérieux avion américain, lui aussi pourvu de moyens électroniques très perfectionnés, a survolé le territoire chilien. Alors qu'à terre, dans leur blindé, les militaires putschistes se ruaient sur le palais de la Moneda. Donc l'implication américaine vous paraît avérée? Incontestablement, c'est d'autant plus grave quand on connaît la suite. Les arrestations arbitraires, les assassinats par milliers et les tortures. D'ailleurs, certains spécialistes américains ont aussi été impliqués dans ces exactions. Des conseillers très spéciaux. J'ajoute enfin, mais ça ne vous étonnera pas, que dès la chute d'Allende, la coopération économique des États-Unis avec le Chili a été immédiatement établie. Et elle n'a jamais été aussi florissante. Mais je voudrais revenir maintenant sur ce que vous disiez au début de cet entretien. Comment les services français ont-ils été mêlés à tout cela? Bon, c'est très simple. Après le coup d'État de 1973, encore à l'initiative de la CIA, il s'est créé une sorte d'internationale des dictateurs militaires sud-américains, de l'opération Condor. Une internationale et qui regroupait qui et dans quel but? Qui? L'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Brésil, sous l'égide du Chili, en totale coopération avec les États-Unis. Et quel était l'objectif poursuivi? Ben, c'est très clair. Il s'agit d'éliminer tous les opposants de gauche appartenant à ces divers pays. En faisant fi des lois, des frontières, les polices ou les services spéciaux arrêtent des militants de gauche qui sont ensuite rapatriés dans leur pays où ils sont traités comme vous pouvez l'imaginer. Mais la plupart du temps, on ne se donne même pas la peine d'arrêter. On tue, purement et simplement. Vous avez des exemples? Oh, en quantité, oui. Mais je ne vous donnerai que deux noms. Prats, ce général loyaliste dont je vous ai parlé. Il a trouvé refuge en Argentine et se prépare à publier un volume de mémoires où il accuse Pinochet. Eh bien, il est abattu. Autre exemple, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Salvador Allende, Arnaldo Letelier. Lui aussi assassiné? Exactement, en plein Washington. Mais l'affaire fera du bruit. Pourquoi? Parce qu'une jeune américaine sera également tuée et que la presse s'intéressera à l'affaire. Ça permettra de remonter jusqu'au général Contreras, le chef de la police secrète chilienne. Un officier qui recevait ses ordres directement de Pinochet. Oui, ben je répète ma question, et la France dans tout ça? Ah ben dans les services SDEC et DST, nous avons appris que l'opération Condor allait concerner la France où beaucoup d'opposants chiliens avaient trouvé refuge. Heureusement, nous avons pu agir à temps, neutraliser les tueurs et éviter quelques assassinats. Et c'est ainsi que nous avons découvert que les initiateurs de cette internationale noire se trouvaient quelque part du côté de Washington. Exceptionnellement, je n'ai rien à ajouter. Récemment, en effet, les États-Unis ont autorisé la déclassification d'un certain nombre de documents secrets, documents qui confirment dans une large mesure les assertions de M. X. Vous pouvez, vous aussi, consulter ces documents sur Internet. Et je vous rappelle que si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez consulter notre site www.franceinter.com à samedi prochain.